Section 15 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 15. L'actif et le passif. Prenons la première action venue. Tiens, tout à l'heure, quand je t'ai embrassé. C'est moi qui ai fait l'action, je pouvais dire « j'embrasse ». J'étais l'actif. C'est toi qui as souffert l'action, tu pouvais dire « je suis embrassé ». Tu étais le passif. Mais je n'ai pas souffert du tout. Cela ne fait rien. Passif veut dire qui souffre, qui supporte, qui est le but de l'action, comme actif veut dire qui agit. J'en suis parfaitement sûre, il ne faut pas me taquiner là-dessus. Veux-tu que je prenne un autre exemple? J'ai un bâton et je me fâche avec toi. Je te bats et tu es battu. Tu ne diras pas cette fois-là que tu ne souffres pas. Mais je ne veux pas que tu me battes. Tu es bête. C'est pour te donner un exemple du passif. Je ne fais que semblant de te battre, je te bats pour rire. Vois-tu, dans toute action, il y en a un qui l'a fait et un autre sur qui elle est faite. Je te caresse, tu es caressé. Je te gronde, tu es grondé. Mais quand je dors, personne n'est dormi. C'est vrai, je ne pensais plus à ces verbes-là. Ce sont les verbes neutres. On s'en sert pour les actions qui ne se font sur personne, comme rire, pleurer, grandir et dormir, que tu as trouvé toute seule. Cela me rappelle qu'il y a encore bien des verbes que tu ne connais pas. Les verbes irréguliers, les verbes défectifs, les verbes pronominaux. Prudence, la bonne de Charlotte, vient la chercher. Il n'était que temps. Fin de la section 15. Enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.